Chapitre 20e, où M. Ducorneau ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Don Manuel Isouza était moins jaune que de coutume, c'est-à-dire qu'il était plus rouge. Il venait d'avoir avec M. le commandeur valet de chambre une explication pénible. Cette explication n'était pas encore terminée. Lorsque Beaucire arriva, les deux coqs s'arrachaient les dernières plumes. « Voyons, M. de Beaucire, dit le commandeur, mettez-nous d'accord. »« En quoi ?» dit le secrétaire, qui prit des airs d'arbitre, après avoir échangé un coup d'œil avec l'ambassadeur, son allié naturel. « Vous savez, dit le valet de chambre, que M. Bemer doit venir aujourd'hui conclure l'affaire du collier, je le sais, et qu'on doit lui compter les 100 000 livres, je le sais encore. Ces 100 000 livres sont la propriété de l'association, n'est-ce pas ? Qui en doute ? Ah, M. de Beaucire me donne raison, fit le commandeur en se retournant vers Don Manuel. Attendons, dit le portugais en faisant un signe de patience avec la main. Je ne vous donne raison que sur ce point, dit Beaucire, que les 100 000 livres sont aux associés. Voilà tout, je n'en demande pas davantage. Eh bien alors, la caisse qui les renferme ne doit pas être située dans le seul bureau de l'ambassade qui soit contigu à la chambre de M. l'ambassadeur. Pourquoi cela, dit Beaucire ? Et M. l'ambassadeur, poursuivit le commandeur, doit nous donner à chacun une clé de cette caisse. Non pas, dit le portugais. Vos raisons ? Ah oui, vos raisons, demanda Beaucire. On se défie de moi, dit le portugais en caressant sa barbe fraîche. Pourquoi ne me défierais-je pas des autres ? Il me semble que si je puis être accusé de voler l'association, je puis suspecter l'association de me vouloir voler. Nous sommes des gens qui se valent. D'accord, dit le valet de chambre, mais justement pour cela, nous avons des droits égaux. Alors, mon cher monsieur, si vous voulez faire ici de l'égalité, vous eussiez dû décider que nous ferions chacun à notre tour le rôle de l'ambassadeur. C'eût été moins vraisemblable, peut-être, aux yeux du public, mais les associés eussent été rassurés. C'est tout, n'est-ce pas ? Et d'abord, interrompit Beaucire, monsieur le commandeur, vous n'agissez pas en bon confrère. Est-ce que le seigneur Don Manuel n'a pas un privilège incontestable, celui de l'invention ? Ah oui, dit l'ambassadeur, et monsieur de Beaucire le partage avec moi. Oh, répliqua le commandeur, quand une fois une affaire est en train, on ne fait plus attention aux privilèges. D'accord, mais on continue de faire attention au procédé, dit Beaucire. Je n'y ai pas seul faire cette réclamation, murmura le commandeur, un peu honteux. Tous nos camarades pensent comme moi. Et ils ont tort, répliqua le portugais. Ils ont tort, dit Beaucire. Le commandeur releva la tête. J'ai eu tort moi-même, dit-il dépité, de prendre l'avis de M. de Beaucire. Le secrétaire ne pouvait manquer de s'entendre avec l'ambassadeur. Monsieur le commandeur, répliqua Beaucire avec un flegme étonnant, vous êtes un coquin à qui je couperais les oreilles, si vous aviez encore des oreilles. Mais on vous les a rognées trop de fois. Plaît-il ? Fit le commandeur en se redressant. Nous sommes là, très tranquillement, dans le cabinet de monsieur l'ambassadeur, et nous pourrions traiter l'affaire en famille. Or, vous venez de m'insulter en disant que je m'entends avec Don Manuel. Et vous m'avez insulté aussi, dit froidement le portugais, venant en aide à Beaucire. Il s'agit d'en rendre raison, monsieur le commandeur. Oh, je ne suis pas un fier à bras, moi, s'écria le valet de chambre. Je le vois bien, répliqua Beaucire. En conséquence, vous serez rossé, commandeur. Au secours ! Cria celui-ci, déjà saisi par la main de Mademoiselle Oliva et presque étranglé par le portugais. Mais au moment où les deux chefs allaient se faire justice, la sonnette d'en bas avertit qu'une visite entrait. Lâchons-le, dit Don Manuel. Et qu'il fasse son office, dit Beaucire. Les camarades sauront cela, répliqua le commandeur en se rajustant. Oh, dites-leur ce que vous voudrez, nous savons ce que nous leur répondrons. Monsieur Bemer, cria d'en bas le Suisse. Et voilà qui finit tout, cher commandeur, dit Beaucire en envoyant un léger soufflet sur la nuque de son adversaire. Nous n'aurons plus de conteste avec les 100 000 livres, puisque les 100 000 livres vont disparaître avec monsieur Bemer. Ça, faites-le beau, monsieur le valet de chambre. Le commandeur sortit en grommelant et reprit son air humble pour introduire convenablement le joaillier de la couronne. Dans l'intervalle de son départ à l'entrée de Bemer, Beaucire et le portugais avaient échangé un second coup d'œil tout aussi significatif que le premier. Bemer entra, suivi de Beausange. Tous deux avaient une contenance humble et déconfite à laquelle les fins observateurs de l'ambassade ne durent pas à se tromper. Tandis qu'ils prenaient les sièges offerts par Beaucire, celui-ci continuait son investigation et guettait l'œil de Don Manuel pour entretenir la correspondance. Manuel gardait son air digne et officiel. Boehmer, l'homme aux initiatives, prit la parole dans cette circonstance difficile. Il expliqua que des raisons politiques d'une haute importance l'empêchaient de donner suite à la négociation commencée. Manuel se récria. « Osir fit un M. Boehmer s'embarrassa de plus en plus. Don Manuel lui fit observer que le marché était conclu, que l'argent de l'acompte était prêt. Boehmer persista. L'ambassadeur, toujours par l'entremise de Bossir, répondit que son gouvernement avait ou devait avoir connaissance de la conclusion du marché, que le rompre, c'était exposer Sa Majesté portugaise un quasi-affront. M. Boehmer objecta qu'il avait pesé toutes les conséquences de ses réflexions, mais que revenir à ses premières idées lui était devenu impossible. Bossir ne se décidait pas à accepter la rupture. Il déclara tout net à Boehmer que ce délire était d'un mauvais négociant, d'un homme sans parole. Bossange prit alors la parole pour défendre le commerce incriminé dans sa personne et celle de son associé. Mais il ne fut pas éloquent. Bossir lui fit clore la bouche avec ce seul mot. « Vous avez trouvé un enchérisseur ?» Les joailliers, qui n'étaient pas extrêmement forts en politique et qui avaient de la diplomatie en général, et des diplomates portugais en particulier, une idée excessivement haute, rougirent, se croyant pénétrés. Bossir vit qu'il avait frappé juste. Et comme il lui importait de finir cette affaire, dans laquelle il sentait toute une fortune, il feignit de consulter en portugais son ambassadeur. « Messieurs, dit-il alors au joaillier, on vous a offert un bénéfice, rien de plus naturel. Cela prouve que les diamants sont d'un beau prix. Eh bien, Sa Majesté portugaise ne veut pas d'un bon marché qui nuirait à des négociants honnêtes. Faut-il vous offrir 50 000 livres ?» Boehmer fit un signe négatif. « 100 000 ?» 150 000 livres, continua Bossir, décidé, sans se compromettre, à offrir 1 000 000 de plus pour gagner sa part des 1 500 000 livres. Les joailliers, éblouis, demeurèrent un moment gênés, puis, s'étant consultés, « Non, monsieur le secrétaire, dirent-ils à Bossir, ne prenez pas la peine de nous tenter. Le marché fini, une volonté plus puissante que la nôtre nous contraint de vendre le collier dans ce pays. Vous comprenez sans doute. Excusez-nous, ce n'est pas nous qui refusons. Ne nous en veuillez donc point, c'est de quelqu'un plus grand que nous, plus grand que vous, que naît l'opposition. » Bossir et Manuel ne trouvèrent rien à répondre, bien au contraire. Ils firent une sorte de compliment au joaillier et tâchèrent de se montrer indifférents. Ils s'y appliquèrent si activement qu'ils ne virent pas dans l'antichambre monsieur le commandeur, valet de chambre, occupé à écouter aux portes pour savoir comment se traitait l'affaire dont on voulait l'exclure. Ce digne associé fut maladroit cependant, car en s'inclinant sur la porte, il glissa et tomba dans le panneau qui résonna. Bossir s'élança vers l'antichambre et trouva le malheureux tout effaré. « Que fais-tu ici, malheureux ?» s'écria Bossir. « Monsieur, répondit le commandeur, j'apportais le courrier de ce matin. »« Bien, fit Bossir, allez. » Et prenant ses dépêches, il renvoya le commandeur. Ses dépêches étaient toute la correspondance de la chancellerie. Lettres de Portugal ou d'Espagne, fort insignifiantes pour la plupart, qui faisait le travail quotidien de M. Ducorneau, mais qui, passant toujours par les mains de Bossir ou de Don Manuel, avant d'aller à la chancellerie, avait déjà fourni aux deux chefs d'utiles renseignements sur les affaires de l'ambassade. Au mot dépêche que les joailliers entendirent, ils se levèrent, soulagés, comme des gens qui viennent de recevoir leur congé après une audience embarrassante. On les laissa partir, et le valet de chambre reçut l'ordre de les accompagner jusque dans la cour. À peine eut-il quitté l'escalier que Don Manuel et Bossir, s'envoyant de ces regards qui entament vite une action, se rapprochèrent. « Eh bien, dit Don Manuel, l'affaire est manquée. »« Net, dit Bossir. Sur 100 000 livres, vous le médiocre, nous avons chacun 8 400 livres. Ce n'est pas la peine, répliqua Bossir, n'est-ce pas ? Tandis que là, dans la caisse, il montait à la caisse, si vivement convoité par le commandeur. Là, dans la caisse, il y a 108 000 livres. 54 000 chacun. Eh bien, c'est dit, répliqua Don Manuel. Partageons. Soit. Mais le commandeur ne va plus nous quitter à présent qu'il sait l'affaire manquer. Je vais chercher un moyen, dit Don Manuel d'un air singulier. Et moi, j'en ai trouvé un, dit Bossir. Lequel ? Le voici. Le commandeur va rentrer ? Oui. Il va demander sa part et celle des associés ? Oui. Nous allons avoir toute la maison sur les bras ? Appelons le commandeur comme pour lui confier un secret. Et laissez-moi faire. Il me semble que je devine, dit Don Manuel. Allez au-devant de lui. J'allais vous dire d'y aller vous-même. » Ni l'un ni l'autre ne voulait laisser son ami seul avec la caisse. C'est un rare bijou que la confiance. Don Manuel répondit que sa qualité d'ambassadeur l'empêchait de faire cette démarche. « Vous n'êtes pas un ambassadeur pour lui, » dit Bossier. « Enfin, n'importe. Vous y allez ? Non, je l'appelle par la fenêtre. » En effet, Bossier est là par la fenêtre, monsieur le commandeur, qui déjà se préparait à entamer une conversation avec le Suisse. Le commandeur, se voyant appelé, monta. Il trouva les deux chefs dans la chambre voisine de celle où était la caisse. Bossier, s'adressant à lui d'un air souriant, « Gageons que je sais ce que vous disiez au Suisse. »« Moi ?»« Oui. »« Vous lui contiez que l'affaire avec Bemer avait manqué. »« Ma foi, non. »« Vous mentez, je vous jure que non. »« À la bonne heure, car si vous aviez parlé, vous auriez fait une bien grande sottise et perdu une bien belle somme d'argent. »« Comment cela ? » s'écria le commandeur surpris. « Quelle somme d'argent ?»« Vous n'êtes pas sans comprendre qu'à nous trois seuls, nous savons le secret. »« C'est vrai. » »« Et qu'à nous trois, par conséquent, » nous avons les 108 000 livres, puisque tous croient que Bemer et Beausange ont emporté la somme. « Morbleu !» s'écria le commandeur, saisi de joie. « C'est vrai !»« 33 333 livres, 6 soldes chacun, » dit Manoël. « Plus, plus !» s'écria le commandeur. « Il y a une fraction de 8 000 livres. »« C'est vrai !» dit Bossier. « Vous acceptez ?» fit le valet de chambre en se frottant les mains. « Je crois bien. À la bonne heure, voilà parler. »« Voilà parler comme un coquin !» dit Bossier d'une voix tonnante. « Quand je vous disais que vous n'étiez qu'un fripon, allons, Don Manuel, vous qui êtes robuste, saisissez-moi ce drôle et livrons-le pour ce qu'il est à nous associer. Grâce, grâce !» cria le malheureux. « J'ai voulu plaisanter. »« Allons, allons, » continua Bossier, « dans la chambre noire jusqu'à présent plus justice. »« Grâce !» cria encore le commandeur. « Prenez garde, » dit Bossier à Don Manuel, qui serrait le perfide commandeur. « Prenez garde que Monsieur Ducorneau n'entende. » « Si vous ne me lâchez pas, » dit le commandeur, « je vous dénoncerai tous. »« Et moi, je t'étranglerai, » dit Don Manuel d'une voix pleine de colère, en poussant le valet de chambre vers un cabinet de toilette voisin. « Renvoyez Monsieur Ducorneau, » fit-il à l'oreille de Bossir. Celui-ci ne se le fit pas répéter. Il passa rapidement dans la chambre contiguë à celle de l'ambassadeur, tandis que ce dernier enfermait le commandeur dans la sourde épaisseur de ce cachot. Une minute se passa, Bossier ne revenait pas. Don Manuel eut une idée. Il se sentait seul, la caisse était à 10 pas. Pour l'ouvrir, pour y prendre les 108 000 livres en billets, pour s'élancer par une fenêtre et déguerpir à travers le jardin avec la proie, tout voleur bien organisé n'avait besoin que de 2 minutes. Don Manuel calcula que Bossier, pour le renvoi de Ducorneau et son retour à la chambre, perdrait 5 minutes au moins. Il s'élança vers la porte de la chambre où était la caisse. Cette porte se trouva fermée au verrou. Don Manuel était robuste, adroit. Il eut ouvert la porte d'une ville avec une clé de montre. « Bossier s'est défié de moi, » pensa-t-il, « parce que j'ai seul la clé. Il a mis le verrou, c'est juste. » Avec son épée, il fit sauter le verrou. Il arriva sur la caisse et poussa un cri terrible. La caisse ouvra une bouche large et démeublée, rien dans ses profondeurs béantes. Bossier, qui avait une seconde clé, était entré par l'autre porte et avait raflé la somme. Don Manuel courut comme un insensé jusqu'à la loge du Suisse qu'il trouva chantant. Bossir avait 5 minutes d'avance. Quand le Portugais, par ses cris et ses doléances, eut mis tout l'hôtel au fait de l'aventure, quand, pour s'appuyer d'un témoignage, il remit le commandeur en liberté, il ne trouva que des incrédules et des furieux. On l'accusa d'avoir ourdi ce complot avec Bossir, lequel courait devant lui en gardant la moitié du vol. Plus de masques, plus de mystères, l'honnête monsieur Ducorneau ne comprenait plus avec quels gens il se trouvait lié. Il faillit s'évanouir quand il vit ses diplomates se préparer à pendre sous un hangar Don Manuel qui n'en pouvait mais. « Pendre monsieur de Souza ? » criait le chancelier. « Mais c'est un crime de lèse-majesté. Prenez garde !» On prit le parti de le jeter dans une cave. Il criait trop fort. C'est à ce moment que 3 coups frappés solennellement à la porte firent tressaillir les associés. Le silence se rétablit parmi eux. Les 3 coups se répétèrent. Puis une voix aiguë cria en portugais « Ouvrez, au nom de monsieur l'ambassadeur du Portugal !»« L'ambassadeur ?» murmuraient tous les coquins s'éparpillant dans tout l'hôtel, et pendant quelques minutes ce fut par les jardins, par les murs du voisinage, par les toits, un sauf qui peut, un pêle-mêle désordonné. L'ambassadeur véritable, qui venait effectivement d'arriver, ne put rentrer chez lui qu'avec des archers de la police, qui enfoncèrent la porte en présence d'une foule immense attirée par ce spectacle curieux. Puis on fit main basse partout et l'on arrêta M. Ducorneau qui fut conduit au Châtelet où il coucha. C'est ainsi que se termina l'aventure de la fausse ambassade de Portugal.